Voilà. On se curer le nez, l'autre. Il a fait quoi? On s'y allait voir, il vient de se curer le nez, il a donné la main. En fait, c'est ça qu'il voulait faire, il voulait s'essuyer. Alors, bien près du micro, attention. Voilà, on se tient bien près du micro. On récite la prière du podcast. Oh, saint podcast. Oh là là. Oh, saint podcast. Sur un air un peu jazzy. Voilà. On va se tenir la main tout le podcast. Tout le podcast. Bah, y a un moment, il faudra lancer un dé, alors il faudra bien ça lâcher. Un peu long, hein. D'accord. Bon, allez, prévenu. Lâche. Et on y va dans de bonnes conditions. Quand tu veux, Clément. J'ai plus faire. Je crois que c'est E accent aigu. Ah, ouais, okay. 5 fois. Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Powercats, motherfucker. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Powercast incroyable. Après 2 ans d'absence, oh Jules, là, comment ça fait si tu vas? Ça va, j'ai les cheveux longs, j'ai une barbe grisonnante. Ouais. Je t'ai ressorti d'une vieille cabane, j'ai oui. traversé une forêt. Merci ça, de m'avoir donné du linge propre. Ça pue un peu, mais bon, allez. Et on est aussi ce soir avec Théo, salut Théo. Salut. Ça voilà. va? Un habitué de l'émission. Ouais, légèrement, nouveau voilà. chroniqueur. Oui, bah oui, on peut dire ça. Bien installé. Voilà. Est-ce que c'est Exactement. Un grand retour? Est-ce que c'est un retour petit. Pourquoi toujours viser plus loin que le bout du pif? Oui, on voilà. peut dire retour et commencer par là. Et puis commencer pour être honnête, c'est juste Jules qui m'a dit j'ai écrit un truc. Je vous ai dit. Oui, tu nous as dit d'ailleurs, oui. nous deux. On a bien été au courant. Oui, ouais. pardon, je ne t'ai pas inclus, Théo. J'ai écrit un petit truc pour du le podcast. Du coup, on oublie, je suis juste invité finalement. Non, on rembobine. Invité, tu fais partie du podcast, c'est bon. Ça y est. D'accord, allez, on y va. Est-ce qu'on peut se retenir voilà. les mains là? Allez, ah, ouais, oui, ouais, très important. Voilà. Parce qu'on a commencé ce podcast en se tenant les mains pour me donner de la confiance et c'est très oui. sympa. Oui, parce que là, Jules a tout écrit. Moi, j'ai rien préparé. J'ai Alors, les mains dans les poches. J'ai écrit une partie. J'ai écrit le happening principal. On voilà. peut se lâcher. Ah oui, en plus, c'est non, la main attendez, avec laquelle attendez, tu t'es curé le nez. Question posée. Non, non, mais t'étais pas censé le dire. Je l'ai fait avec les deux. Donc, il n'y a pas de jaloux. Jules et Clément ont eu le résultat de. Je vais essayer d'être très long. De mon écuré. Curé d'Ars, allez, ça commence. Oh putain, le curé d'Ars, je l'ai vu, il est. Je l'ai, vous savez ce que c'est le curé d'Ars? Terrifiant, absolument. Le curé d'Ars, c'est un curé qui est mort et qui a été embaumé, comme, je sais pas comment on dit, dans oui. de la cire ouais. et qui est exposé à Ars, dans la chapelle d'Ars, Tout je sais pas fait. Comment on dit. What? Et quand j'étais avec les scouts petits, je l'ai vu, et donc t'as un gars qui est allongé comme ça, les mains sur le ventre, dans la cire. Avec un regard diabolique. Et en plus, il n'est pas mort dans n'importe quelle condition, c'est qu'il aurait affronté le diable. Oula. Et sa maison aurait brûlé. Donc, c'est là qu'on en a conclu que le diable maniait le Alors. Feu avec dextérité. Et okay. eux, non, vraiment, apparemment, c'est un affrontement épique. Il tient une épée. Et il est vraiment terrifiant. Moi, je l'avais vu là où mon frère et ma belle-sœur sont mariés, dans une petite chapelle, là où ils avaient réservé. Petite chapelle, on regarde en droit dans chapelle, les yeux. Et il y avait une statue du curé d'Ars à l'entrée, donc je crois qu'il faisait la billetterie. Et non, c'est vraiment, vraiment atroce. Ah c'est ouais, fou. Ouais. Je vous montrerai des petites photos. Bah, on l'embrasse. On pourra chercher sur Google. Il s'est donné. Je baisse un peu ton volume. Ah, je ris très fort. Sujet, suggestion, on arrête. On retourne. Je déconne. Allez, on laisse aller. Ouais. Bon, alors, ça fait 2 ans, vraiment. Qu'on n'a pas fait de podcast. On va faire le bilan. Voilà. Calmement. Qu'est-ce qui s'est passé dans. Bah, on commence par Théo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pendant 2 ans? Alors, pourquoi moi, d'un coup? Bah, ça va, les gars? Parce que t'es le petit nouveau. Oh, ouais. Oh, je suis petit nouveau, oui, oui. Bah, moi, j'aurais pensé que vous vouliez dire ce qui s'était passé. Pourquoi 2 ans d'absence? Mais bon, écoutez, je vais prendre le flambeau. Moi, en 2 ans, j'ai fait un tour du monde en voilier. Ouais. On commence sur des informations fausses. Ça m'a pris 1 an et demi. Théo ne sait pas nager. Non, mais après 1 an et demi, du coup, alors qu'est-ce que... Après 1 an et demi de Powercast, qu'est-ce que j'ai fait? Non, après 1 an et demi de voile. Après 1 an et demi de voile, oui, pardon. Oui, non, mais... Parce qu'on s'entend pas très bien là-dessus. écoute, après, je suis revenu VTT classique. Quoi. Ah oui. les bords de zone, parce que bon, je peux dire que le catamaran, au bout d'un moment, la barbe. Ouais. Mais des sacrés cuisses hein, quand même. Ah oui, on oui, les sacrés cuisseaux. C'est un podcast, mais oui. quand même. Bah, Théo j'ai est en squat depuis le début du podcast, d'ailleurs. Ouais, il n'a pas de chaise. Ouais. On a préféré de faire Sans chaise. Voilà, donc assez sportif, quoi, ces 2 ans. Extrêmement sportif. Là, chacun, on est parti pour dire des trucs faux ouais, depuis 2 ans. Non, ouais. non, mais si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je dise depuis 2 ans? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 2 ans? Je vais dire 2 trucs faux et 1 truc vrai. Ok. Il faut qu'on devine ce que c'est. En sachant qu'on se connaît pas en plus, ouais, tous ouais. les trois, on se connaît c'est pas du tout. J'ai conseillé le cornu à Macron au moment où il devait, ouais. il devait le nommer à la place de Bayrou. c'est un peu coupé. Là. Des mutins. Des mutins, des mutins, toi. Mais quel en... Et on coupera ça. Ça ouais, bon, non, sera vipé, sera vipé. Qu'est-ce que j'ai... T'as pas d'impro, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Et toi, Clément, qu'est-ce que t'as fait pendant deux ans? J'ai installé un beau cul. Ah oui, alors est-ce qu'on peut en parler de ce beau cul? Ça, c'est pour de vrai. Par contre, je l'ai testé. Oui, donc j'ai acheté un appartement avec ma compagne. Félicitations. Là où on enregistre. Avec qui tu t'es paxé? Ouais, mais ça, paxé, ça fait un moment. Bon, allez. Le mec le découvre, mais ça fait vraiment. Je confonds mes amis, peut-être. Ah bah là, ça fait. Ça fait combien de temps, du coup? Le pax, ça fait 3 ans. Eh bah oui, c'est ce que je voulais dire. On fête les 3 ans du pax, c'est ce que je voulais dire depuis bien le début. Bien avant l'absence, finalement, du port cadeau. C'est quelque chose c'est que vrai tout qu'on le monde, était paxé au toute personne qui nous écoute est au courant. Ouais, bah je sais pas s'il l'avait dit dans le power. Je pense que je l'avais pas dit. Bref, on a acheté un appart, là où on enregistre, et la grosse installation, quand même, et la grosse nouveauté, c'est le beau cul sur les toilettes. Voilà. Et ça, c'est ma recommandation de début d'épisode. Il y en aura une autre, quand même. Oui, il y en aura une autre après. Mais du coup, c'est vrai que toi, Jules, tu l'as bêta-testé là, ouais. Pour les besoins du podcast. Tout à fait. Et qu'est-ce que t'en penses? Alors, ça m'a surpris parce que tu m'avais dit il faut mettre le jet sur le position trou de balle. Oui. Et j'étais assis un peu trop en arrière. Ouais, et ça m'a rincé de l'eau un petit peu froide sur le dessous des boules. Oh, il a osé le dire. Le bon goût de ce podcast. Les boules. Voilà. Les boules de tu pourrais relever le gain de 9 à peu près au moment où tu dis boule. Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Pour le plaisir le, et la sensation alors auditive de tous. Alors, je pense qu'à l'utilisation globale, c'est pas mal. Là, j'avoue que c'était en mode oui, bon, je suis venu pisser, j'avais juste le dessous des boules mouillées. T'avais pas prévu de faire donc, ça. Donc, j'ai pris du papier toilette pour m'essuyer le dessous des boules. Voilà. Bonne expérience quand même. Ceci dit, je me sens quand même plus propre. Ah, bah voilà. Donc, ça, c'est pas si mal. C'est bien. Théo, toi, tu le testeras après le podcast, je crois que c'est ce qui est prévu. Ah, oui, oui. Ce sera l'outro, on va se balader avec les micros un petit peu. On enregistrera tout. On a caché des micros dans les toilettes. Peut-être que même en ce moment même, vous l'entendez en fond, hein, peut-être qu'on on a essayé de créer une ambiance grâce à ça, avec ce qu'on aura tourné ensuite, mais je me languis de la deuxième partie du podcast. Ah oui, le happening en fait que j'ai écrit, ah oui. C'est que Théo fait l'autre moitié du podcast depuis les toilettes avec vrai. Le beau cul. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous avons alors, bien. Là, vous pouvez répété. Voir que sur la console, j'ai un petit bouton. Je peux aussi mettre des boutons, mais je peux aussi lancer le beau cul. Tu peux mettre des boutons ou tu peux mettre des bruitages? Je peux mettre des. J'ai dit quoi? Tu peux mettre des boutons. Je peux mettre des boutons de partout. Je peux mettre des bruitages. Je peux aussi lancer le beau cul sous les boules de Théo au moment au moment que je choisirai. Ne vous inquiétez pas, mes boules sont consentantes. Si on continue là-dedans, oui, qui. Voilà, tout le monde a disparu. Bon. Ok, et toi alors, Jules, pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai eu un Oscar. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai eu l'Oscar. Ouais. Oui, pour The Artist. Mais ils sont un peu en retard. Alors, mais... c'est The presque... Artist Remastered. Ouais, c'est tellement tard que c'est presque posthume, là. Hein. Posthume de ma carrière, j'ai tout arrêté. Je me suis rendu ermite, du coup, j'ai tout arrêté. Ouais, voilà. Où j'ai accepté. Bon, là, il m'avait prêté un petit costume sympa. Il n'empêche que j'ai pas eu le temps de me raser et que j'ai eu l'air d'un beau guignol... à la cérémonie, quoi. Voilà. Voilà, bah si vous avez raté ça, en tout cas, allez voir ça sur YouTube. Non, alors, est-ce qu'on dit les vraies news depuis tout ce temps? Si tu veux, moi c'était des vraies news, hein. j'ai rien inventé. Hein. Et si en fait y a pas de beau cul depuis le début, c'est moi qui ai craché en fait. Excuse-moi, mais annoncer le PAX installation avec ma compagne dans un appartement non meublé et j'en passe, t'avoueras que c'est quand même le délire le plus foutraque qu'on ait pu citer jusqu'ici. Vous, c'est vraiment une imagination de malade. Mais on peut effectivement raconter des vraies anecdotes. Oui, parce que toi je sais ce que t'as fait depuis 2 ans et j'étais là aussi. Tu le sais mieux que moi. Clément était là aussi. T'as pété devant la porte de la voisine de Clément, ça on peut oui. dire. C'est vrai, je crois que c'est le highlight de mon existence depuis 2 ans. C'est vrai que ça, c'est un grand moment. On ne la citera pas. Non, on ne va pas la citer parce que non, la c'est plus pas. Ma voisine d'ailleurs. Ah bah attends, mais j'ai un bruitage qui correspond à son nom de famille. Oh. Non, c'est pas vrai. Ah, okay. Et c'est vrai, pour des raisons... des raisons de procès, je pense que c'était légitime et qu'en même temps c'est une arme chimique mais douce et donc c'était le seul moyen de diplomatie. Effectivement, j'ai été obligé de perler sur le seuil. En parlant de ça, j'ai aussi joué un rôle majeur dans ce couloir, peut-être quelque chose que vous verrez qui nous concerne tous les trois et qui est aussi pub, le pic là. De ma carrière de comédien cloudesque. On a tourné quelque chose. Oui, qui sortira sûrement à peu près en même temps. Ouais, peut-être après. Ouais, après, vu comme c'est parti, parce que ça fait un an qu'on l'a tourné. Oh oui, même. Ah ouais, bah, ça fait un peu plus d'un an. Ouais, même plus d'un an. Ça fait un an et 2 mois, je pense. Ouais, je suis un peu en retard. Alors, sur le montage. Ça te laisse son genre, mais c'est bien de la lancer comme ça me met une petite pression pour finir le montage. C'est pas mal. Non mais oui, ça sortira un petit peu après sur la chaîne YouTube. Ça, c'est marrant, on en a parlé, j'ai senti une goutte de sueur sous mon aisselle. C'est bon, comment ça, tu vois. Ah ouais. Alors, il y a une petite crainte. Bon, alors moi, j'ai une petite crainte quant à tout ce que je sors. Et du coup, C'était une goutte d'inquiétude. Bon, et des vrais trucs alors, Jules, toi. J'ai quitté mon boulot. Oui. J'ai quitté mon boulot pour des questions de contrat, c'est-à-dire plus d'heures, pas augmentation de salaire. Du coup, je me suis barré. Là, ça fait un an et demi que je n'ai rien fait de professionnel. Enfin, je n'ai pas repris de boulot. En revanche, j'ai tourné des petits trucs. J'ai fait... Putain, alors, c'est difficile de me rappeler. Mais alors, on va dire dans l'ordre, j'ai fait un clip pour Deep Mary's. Ensuite, Deep Mary's s'est séparé. C'est peut-être de ma faute. Ah. ensuite, j'ai tourné un clip pour... ce qui n'est pas sorti encore. Où j'étais caméra 2. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ils sont pas séparés, eux, encore. Alors si, en plus. je biperai, mais... Ouais, okay. Ensuite, j'ai fait Pink Floyd en 83, séparation. Je biperai, parce que pour l'instant, c'est non officiel. On comprend. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai mixé un documentaire. Okay. Bon, ça, je peux le dire, du coup, parce qu'il est en festival. Ça s'appelle Longue vie aux putes. Ça parle de travailleuses du sexe et de leur vie. Et voilà, de tout, un peu tout ce qu'elles ont à raconter. On peut le voir quelque part ? Pas encore, c'est encore en tournée de festival, ouais. Et ça a été fait avec un budget, on va dire, ric-rac. Et du coup, c'est compliqué de trouver des moyens, d'autant plus pour le faire diffuser. Okay. Mais ça a été diffusé quand même dans plusieurs festivals, en Belgique, en France, là récemment à Marseille. Et là, ce sera, au moment où on parle, ce sera diffusé à Paris bientôt. Okay. Et ça sera peut-être sur YouTube après, du coup, une fois qu'ils ont fini la tournée. Franchement, il y a des chances, mais pas tout de suite. Okay. Mais oui, on en parlera peut-être dans un futur podcast si on reprend un peu l'émission. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, que j'ai fait avec quelqu'un qui est déjà passé dans Powercast, Théo Chasson, qui a fait le Powercast sur les jeux vidéo, qui a été le monteur et qui m'a mis sur le coup, du coup, où j'ai... Moi, j'ai pu être mixé. On s'allume chaudement, bien sûr. Ouais. Voilà, moi, ce que j'ai fait globalement. Et si, on a fait de la musique aussi. Oui, depuis deux ans. On a monté un groupe. J'y pensais, ouais. Ouais. Je ne savais pas si on l'évoquait, mais. Petit groupe, ouais. Alors, est-ce qu'il gardera ce nom ou pas Pour l'instant, oui. Vous pouvez nous trouver sur Instagram. Voilà. Et sur TikTok. Oui. C'est Pantouf is not dead. Paul.regret. Jacques Musio. Je sais plus comment c'est. C'est Paul. Je vais regarder pendant que tu parles du groupe. Oui, comment tu veux que je parle Oui, qu'est-ce qu'on fait comme genre? C'est de l'art rock. Non, alors ce n'est pas de l'art rock. J'ai fait exprès. Non, mais si, c'est oui, totalement de l'art rock. Théo est au chant, Jules est à la batterie, je suis à la guitare, il y a Clémence au violon, et puis on a. De petites nouvelles. On a Glaé qui fait clavier et violon, et puis on a Emma à la basse. Exactement. Et alors, du coup, sur Instagram, et je pense que c'est pareil sur TikTok, c'est Paul_regrets. Ok, bah voilà, facile à trouver. Au pluriel. Avec un S à la fin, ouais. Voilà, et ouais, bah on fait quoi? On fait des petites musiques rock un peu. Pop rock folk. Voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. Avec des petites blagues un peu dans les textes. Jusque-là, il y a eu les trois. Il y a eu du rock, il y a eu un peu de pop et il y a eu de la... Il est dubitatif, Théo. Ouais. Oui, c'est tout à fait cela. Non, mais je lève les sourcils parce que c'est toujours pas trop évident de le décrire. Mais oui, on sera une petite pincée de punch. On se dit toujours qu'on aimerait plus qu'un genre, mais là, on est déjà trois genres. Absolument, pas dans des définitions de style en cours. C'est vrai qu'il n'y a pas de maturation tout à fait adéquate. Mais bref, voilà, c'est une existence, c'est une grande nouvelle, effectivement. Et puis on s'amuse bien, c'est cool. Nous concernant. Et puis on s'amuse bien, absolument. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concert, mais peut-être que ça viendra, peut-être quand dans les futurs. Quand on aura une setlist bien prête. Voilà, on pourra annoncer peut-être des bars, des trucs comme ça, on va jouer, voilà. Oui. Mais en tout cas, ouais, on s'amuse bien. Toi, Théo, t'as un petit peu bourlingué sur des petites scènes pendant deux ans. J'ai bourlingué sur des petites scènes. La carrière montante avec. Avec une ascension toujours longue. Oui, des grands rôles, toujours le rôle qui me colle au basque. Je pensais pas à celui-là, j'allais dire Comitas, mais c'est pas bien éloigné, non, je déconne. Oui. Bon bref, si jamais quelqu'un désire venir me voir en tant que Saint-Gélé du Magicien d'Oz, sachez que c'est une consécration et que surtout, ça vaut le détour. Il y a une réplique qui fait mouche, c'est... Tête de macaque. Vous aurez alors tout c'est loisir. C'est vrai que ça fait bouche, j'ai rigolé tout de suite. En me voyant sous mon gracieux masque, J'étais pas encore vu, moi, j'ai la tête de macaque, mais vous allez venir, de toute façon, ça va être formidable. Et puis, bah, après, évidemment, un spectacle un peu plus important, un peu plus mûr, peut-être. Ce qui sur, me concerne, la place est prise. Sur l'Arménie et son compositeur, Komitas. Nous avons des perspectives à Paris, du mailing, on cherche à... Et ben, on se croisera aux Oscars pour l'adaptation. Voilà, conquérir la capitale, tout doux. Les Yvelines seraient pas mal, déjà. Enfin, bon. On parlera un peu des réseaux pour te suivre à la fin de l'épisode. Voilà, si c'est bien nécessaire. Mais ouais. Pour voir un peu ton actu. Tu poses des stories marrantes, Jules aussi d'ailleurs. Mais... Moins qu'avant. Un peu moins qu'avant. Suivez-moi sur Thread en vrai. C'est là où je mets des trucs marrants. Il thread un max, Julien, maintenant. Zéro like. Zéro like, zéro commentaire, zéro vue. Il y a besoin. Voilà. Bah, on a fait un peu le tour de ces deux années. Il y a Théo qui s'éloigne du micro pour péter. Non, je crois qu'il mange un 3D de Belin. Ah oui. C'est Belin. Vous aurez le son en 3D. Non, c'est nul cette blague. C'est Lays. C'est des Lays. Je savais même pas que c'était Lays. Et c'est un placement de produit. Merci à eux d'ailleurs. Merci de nous sponsoriser. Ouais, nous offrent un peu. Ils ont plus le choix 3D. Maintenant. Ouais. Et bah écoute, on va passer tout de suite à ce fameux truc que tu as préparé. Parce que moi, je suis au courant de rien du tout en fait. C'est oh putain, comment l'introduire. Moi là j'ai les pieds dans les chaussons et sous la table. Je sais pas ce qui va se passer. Il est peinard. Ah oui, peinard. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui mes petits potes? Bah je sais pas. Vous l'avez deviné un petit peu parce que sur les conversations j'ai dit les gars vous avez pas un dé à six faces machin. On va faire un jeu de rôle. Yes. Powercast, la grande aventure. Wow. Donc alors je précise tout de suite. Donc, je vais vous le présenter comme je l'ai noté. Ce sera plus simple. Est-ce que tu vas mettre une petite musique au montage? Tu verras. Okay. Pas au montage. Est-ce que tu mettrais une musique pendant qu'il pose cette question? Deux questions de remontage. À chaque bonne question, je mettrai ce jingle. Top. Super. Mario Striker, on connaît. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Powercast, la grande aventure, est une histoire interactive mêlant fiction, choix et private jokes. J'adore. Vous allez le voir bientôt. D'accord. Comment ça se déroule? Eh bien, je vais vous conter une histoire dont vous êtes les personnages principaux. Didascalie, dialogue, événements, je m'occupe de tout. Ok. C'est clair? Ouais. J'adore ce truc. Sauf, donc je m'occupe de tout, sauf quand je vous ferai signe du doigt, comme ça. À ce moment-là, vous devrez improviser une réplique. Ok. Je précise aux auditeurs que ce jeu de rôle est réalisé par quelqu'un qui n'y connaît rien en jeu de rôle, donc l'aventure est sûrement truffée de trucs qui, si on y réfléchit, ne marchent pas. Ceci dit, fermez-la et profitez de l'aventure. Bien. Je dis ça aux auditeurs, pas à vous, hein. Vous, je vous respecte les auditeurs, pas du tout, merde, pas du tout. Et puis nous, si on se la ferme, on peut pas faire les répliques, donc c'est dommage. Ouais. Oui, c'est clair. Théo et Clément, avant que je vous présente vos personnages, sachez que vous aurez tous les deux une capacité spéciale, donc un pouvoir, et un défaut que certains événements de l'aventure vont déclencher. Ça, je vous le dirai bien sûr au moment opportun. Et à ce moment-là, il faudra lancer un dé à six faces qui est juste là. D'ailleurs, Clément, est-ce que tu peux être responsable technique du ouais. dé et vérifier qu'il marche devant nous? Il marche. Merveilleux. Alors, et le score est pourri. Super son en plus. Ouais, alors, j'ai fait un échec critique. Il a fait un 1 là, donc c'est pas ouf. Donc c'est un dé à 6 faces. Puisque... Quand même. Oui. C'est bien. C'est un dé à 6 faces, puisque je le rappelle, c'est pas un vrai jeu de rôle. Ah, c'est un mini jeu de rôle. Je vais vous présenter vos personnages. Ah yes. Qui sont vous, mais pas vraiment vous. On va commencer par toi, Clément. Clément est un homme râleur. Ah, attendez. Je pense à un truc. Eh oui, c'est ça. Je sais pourquoi tu dis cela. Attendez. Clément est un homme râleur. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir ses bons côtés. Attention. Il a fait une formation de monteur en 3 cycles lunaires à l'Académie des Mages de l'Arcif, où il est né et a été élevé. Le pauvre n'a jamais connu ses parents. On lui a seulement raconté que sa mère, une sorcière très puissante, s'était retrouvée dépassée par son pouvoir. Les talents de monteur de Clément lui permettent de remanier les événements à son avantage. Après une brève aventure dans le prank game, il est maintenant à la recherche de ses parents en compagnie de son ami Théo. Donc Clément, je résume, ta race c'est humain, ta caractéristique c'est parfois drôle et sympa, ta capacité c'est monteur, donc tu peux manier les dialogues en reprenant une phrase à ton avantage. Ah ouais, ok. Je te le dis tout de suite, ça ne fera pas partie de l'improvisation. Okay. J'ai pré-écrit des trucs. C'est dur à faire. Ton défaut, c'est que tu es 50% râleur. Donc tu as une chance sur deux de prendre la mouche et de fuir un dialogue. Yes, ça marche. On va passer à Théo. Théo est issu d'une fornication furieuse entre un humain troubadour de la troupe royale et d'une couleuvre bien éméchée lors d'une soirée très très arrosée. Son sang exceptionnel lui confère une vision nocturne et une bonne résistance à l'alcool, mais surtout un talent de jeu, d'imitation et un pouvoir de costumerie. T'es très fort pour t'habiller et te déguiser en des choses. Costumerie. Oui. Mais aïe aïe aïe, Théo est addict au clopon. C'est un fumeur invétéré. Sa langue fourchue le fait également zozoter tant qu'il n'active pas ses pouvoirs. Et j'en profite pour dire aux auditeurs que zozoter, c'est pas la honte, mais que ça va ajouter beaucoup au capital rigolo de cette histoire. Oui. T'as envie d'aller fumer une clope, là ? Ouais. On commence ? La musique est magnifique. C'est splendide. C'est toi qui l'as composé, hein, c'est ça ? Bien sûr, c'est moi qui l'ai composé. Sur guitare. Enlevé, nous sommes... On commence ? Merci. Eh bah oui ! Oh, ça change d'ambiance. Belle rupture. Dans le royaume de Vaux-en-Velu, deux amis se réveillent en gueule de bois à la taverne du Drame 33. Clément, dont la résistance à l'alcool est inférieure à celle de Théo, part avec un capital de râlerie supérieur. Il se réveille allongé sur le banc d'une table de la taverne. Donc là, tu peux te plaindre, tu peux... Oh là là, c'est pas confortable du tout. Clément se demande enfin où est son vieux compère. Eh oui. Clément regarde autour de lui. Bon. Pas trop vite parce que ça tourne encore et puis ça agite sa petite migraine. Puis il lance d'un ton agacé. Bah il est où encore ce vieux crouton là ? Bien, bien vieux crouton, bien. Théo, qui était dans un placard, le visage encastré dans une casserole pendue, répond avec la voix qui vient du placard fermé. Oui, je suis là, zigoteux ! Clément lui ouvre donc. Ah, quel plaisir ! C'est le placard, c'est ah, le oui. placard. Ah oui. Quel plaisir ! Les deux amis sont enfin réunis. Ah. Yes, ah, il vient de se taper dans la main. C'est super, ça, pour l'aventure. Ah, bah, il se tient. T'es sur les petits bisous, maintenant. Ils sont réunis. Ah oui. Ah, par contre, relou, mes chers aventuriers, vous n'avez plus un seul sou. Vous avez sûrement tout claqué hier. Théo se tape les poches, mais pas un copec. Bah, c'est pas vrai, c'est pas un copec. Très bien, n'oublie pas de zozoter, c'est super. Ah ouais. T'as des copecs ? J'ai pas un copec non plus. Tu les as bus ? Je pense. Bordel. Clément tape sa bourse en espérant entendre ne serait-ce que le tintement métallique d'un écu. Malheureusement, que il dalle. Tape dans la mauvaise bourse et se provoque une douleur testiculaire infâme qui fait passer son capital râlerie à 100%. Oh non ! Oh, fais chier, pas un copec là ! Oh non, le capital râlerie à 100% ! C'est la faute du capitalisme ça ! Les deux taverniers du bar, Axelis et Royan, l'un à la voix très aiguë et l'autre à la voix grave, débarquent alors, ayant entendu les gémissements de Clément, fraîchement bossu de la couille. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et surtout, qu'est-ce que vous foutez encore là ? On est fermé ? Que vont pouvoir répondre Clément et Théo ? En tout cas, c'est Clément qui s'y colle en premier, avec un jet de défaut. Mais il est truqué, ton dé ! De toute façon, donc Clément a fait 1. Donc de toute façon, alors Clément, pour faire, si tu fuis un dialogue si tu fais entre 1 et 3, et tu restes si tu fais entre 4 et 6. De toute façon, tu t'es niqué la couille, donc ton capital râlerie est à 100%, donc peu importe ton score, tu vas t'éloigner. Okay. Oh non, Clément essaie vaguement de s'expliquer, mais il est encore à genoux, tentant maladroitement de se tremper la couille dans la carafe d'eau fraîche trouvée sur une table à côté. Vous vous en doutez, l'argumentaire ne convainc pas, et Clément, saoulé, abandonne et part se tremper la couille un peu plus loin dans la caverne. Théo se retrouve alors seul à devoir gérer la situation. Les deux taverniers tournent leur regard vers lui. Bon alors, vous nous dites ce que vous fichez là ? Si vous voulez qu'on se la donne, on va se la donner, hein ? Théo est bien moins handicapé par les effets de l'alcool et très habile de sa langue, fourchue. Donc là, tu vas faire un jet, c'est juste si ça fait 1, 2, 3, c'est raté, si ça fait 4, 5, 6, c'est gagné. Allez. Dis donc le mirador. Tu bières le dé, puis tu remets une fiche pendant qu'il est. Il avait tombé le dé par terre. Oh non. Vite, la musique ne dure qu'une minute. Je vais faire le dé. Alors tu vas me le lancer tout de suite ? Je le lance. Allez. Deux. C'est deux. C'est raté. J'ai raté. Théo et Clément se font dégager. Et Théo, pris d'une soif reptilienne, demande à Clément s'il peut boire dans la carafe. Dis donc, tu pourrais fauper la carafe ? On file un goleton. Va te faire. Quoi ? 60% de râlerie. Ah, t'es sacrément râleur. Même... Et puis faut que tu vires ta couille de la carafe. Ah, aussi. Ouais, en plus. Ouais, attends. Bon, allez, tiens. Ça te dérange pas de boire. Moi, je suis censé boire là-dedans. Oui, t'es censé boire là-dedans, ouais. Bon, t'occupe parce qu'avec l'acidité que j'ai dans la bouffe. C'est comme du thé, t'inquiète. Toi, tu y es intégré, oui. Bon, allez, file donc. Je le remets du début. Ah, oui, ok. Parce qu'après, c'est trop épique. Voilà nos deux cons dehors. Prenant quelques secondes pour s'habituer à la lumière extérieure. Clément, ayant rendu la carafe d'eau au tavernier, se sèche maintenant la couille comme on essore un torchon, mais, avec précaution, Clément ne se reblessera pas. À peine est-il sec que les deux zouzous entendent une voix plutôt exclamative au loin. « Mon cuit ! Mon cuit !» En regardant en direction de la source de cette agitation, il voit un homme affublé de vêtements de luxe, en très mauvais état, sali et déchiré. L'homme arrive finalement devant eux, essoufflé. Clément lui demande qui il est et ce que tout cela signifie. Qui es-tu et que cela signifie ? Et que cela signifie, ça signifie. Je ne dis pas, mais... Que signifie tout cela ? Je suis un peu fatigué. Ouais, c'est vrai que t'as la couille oui. En écharpe. L'homme répond, toujours essoufflé, « C'est mon cuit. » Théo lui demande ce que c'est qu'un cuit. « Et qu'est-ce que c'est qu'un cuit ?» L'homme répond, « Je suis mon cuit. Dordal de mon cuit. Oh, c'est mon nom. On vient de me chasser de ma demeure. » Clément jette un dé de défaut. C'est 3, donc c'est Théo qui va lui demander d'en dire plus. Tu vas lui demander de l'entendre. Très bien, donc tu nous as dit Dordal de mon cuit, c'est ton prénominé et ton nominé. Tu peux développer ou t'accouffes moi-même ? Une femme, c'est une femme à la peau pâle. Elle porte des guêtres à au moins 3000 balles et je ne sais pas, elle s'est présentée devant chez moi, m'a parlé et c'était comme si je n'avais plus le contrôle. Elle était si gentille, je n'arrivais pas à lui dire non. Des J'étais guêtres. Comme hypnotisé. Ah oui, sous son influence. Bien. Enfin, vous voyez quoi. Oh, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Les deux lurons se regardent et acceptent d'un hochement de tête. Vous pouvez parler tous les deux. Mmh, on va faire oui, lurons, là-bas. Oui. Mais la quête est acceptée. Oui. Wouhou. On avance. Oh là là, mais on dirait bien que nos deux compagnons sont partis pour une sacrée aventure. Et c'est reparti. Sans plus tarder, ça fait 5 fois que je mets cette musique. L'aventure est incessante. Sans plus tarder, ils se mettent en route en compagnie de Dordal de Moncuit, qui, sur le chemin, cherche à faire la discussion. Il s'adresse alors à Théo. Alors, c'est marrant vos pieds de reptile là, vous avez pas d'orteil quoi ? Théo répond. T'occupes. C'est les pieds palmés non ? T'occupes. Dordal de Moncuit lui dit alors, mais attendez, mais vous allez vous niquer les pieds comme ça, tenez, vous serez plus à l'aise. Attendez, je dois les avoir là. Voilà mes baskets, ce sont des Air Dordal. C'est des souliers qui vont vite. Oh. Théo les enfile et naturellement, ils se mettent à marcher beaucoup plus vite. Théo, voyant la vitesse atteinte, dit alors... Waouh. Sans face. Sans face. Sans plus rapide que Lucky Luke. C'est un peu ton personnage que t'avais dans le podcast de Fabien. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est vrai, dans le podcast. Faut pas le dire. Ah, franchement, j'ai même pas capté. Ça recycle. Bon, peut-être parce que je m'en fais aussi. Quelque chose. Après, on peut parler. Et je peux rajouter une question ? Ouais, bien sûr. Si je saute, je stagne en l'air. Est-ce que je peux fendre en l'air ? Clément est légèrement agacé. J'ai aucune réponse à te donner, c'est pour ça. C'est pas grave, tu couperas. En fait. Non, je ne coupe pas. Clément est légèrement agacé. C'est pas avec sa couille en écharpe qu'il pourra atteindre une vitesse pareille. Après 4 heures de marche sur les sentiers, les trois aventuriers décident de faire une pause. 4 heures ? 4 heures de marche. Bah attends, en plus avec les airs d'Ordal, laisse tomber. Ouais. Un grand soleil baigne les quelques rochers présents de sa lumière. Wow. Théo, dont le naturel reptilien revient au galop, décide de s'allonger, jambes et bras tendus, à la chaleur des rayons. Les ardeurs. Dordal de Moncuit, épuisé par les événements récents, s'assoupit, au pied d'un arbre. Il vient alors à l'esprit de Clément un songe important. Est-ce qu'on va être payé pour cette aventure ? Eh ben ouais. Bah oui, ça c'est vrai. Ça va 2 secondes les prestations gratuites. On va se payer des bières, nous, après. Et ouais. Tu pourras pas les finir. Clément secoue alors Dordal pour le réveiller et lui demander ce que serait leur salaire. Eh oh mon coco là, on veut bien faire ta quête là, mais on est payé combien ? On a plus un copec. Ouais, la rémunération ? Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, j'ai prévu la rémunération. Ouais. Après, vous savez, moi j'ai qu'un petit budget donc. Ouais. On va crache le morceau là. Avec le château, moi je suis asphyxié par les charges donc j'ai l'air riche, mais je le suis vraiment pas tant, non. Alors je peux vous payer en visibilité. Je parle de vous à quelques amis, ou je vous retweet, ou je sais pas, mais en tout cas, vous décrocherez plein de contrats, je connais du monde. Théo, toujours sur sa pierre, un peu plus loin, ouvre un œil, intrigué par ce qu'il entend. C'est bien parce que Théo le fait en temps réel. Clément demande à Dordal si ce dernier ne se foutrait pas un peu de sa gueule. Tu te fous pas un peu de notre gueule ? Dordal répond, non mais je peux vous payer, mais légèrement quoi. Et comme je vous disais, j'ai même pas de quoi vous donner des écus tout de suite. Je devrais pouvoir plus tard, mais... Non mais la visibilité ça compte hein. Clément y voit alors l'occasion d'utiliser son plus grand atout. Donc là il va falloir que tu chopes un dé, et tu lances. C'est un 2. Ça ne dépasse pas 3. Dis donc, Coco, tu pourrais pas faire un beau score à un moment, parce qu'à nous deux, c'est pas les copains qu'on va remplir. Le temps remonte de quelques secondes, et la phrase devient alors exactement la même phrase, puisque le jet a raté. Je vous dirai à la fin ce que c'était les autres possibilités. Théo, au loin sur sa pierre, le sourcil levé car intéressé par ce qu'il a entendu, se relève d'un bond et invite Clément et Dordal à reprendre la route. Bon, les azimuts, il s'agirait peut-être de 6 mètres, ou vous voulez passer 3, 4 nuits, et puis je peux compter jusqu'à plus, si vous voulez, avant de se bouger le train-train. Parce que je crois qu'on avait un objectif quand même, au Clébar. On y va. Eh bien, on y va. Allez. Et le bon cuit, il fait marcher ou il fait que parler? Oui, il va marcher. Ta gueule. Les aventuriers se remettent alors en route. Oh, on a changé de biome. Eh oui, parce qu'il fait nuit. Il fait nuit lorsque la compagnie arrive devant le château. C'est une grande et haute demeure. Un pont-levis surplombant les douves permet d'accéder à l'entrée. Dordal lance alors. Bon, j'imagine qu'on va pas toquer. L'idéal ce serait que l'un de nous arrive à rentrer et que... Je sais pas, il ouvre une fenêtre ou un truc pour qu'on puisse rentrer aussi. Avec tes chaussures là, tu peux pas sauter haut ? Bah fais demander, mais... Mais Théo se dit alors que ça pourrait être le bon moment pour utiliser son pouvoir. C'est quoi mon pouvoir, Béda? Attends, je le faire. Tu as un pouvoir... Ah, c'est vrai que, putain, je l'ai pas dit dans le truc des personnages. Du coup, tu es... comment dire... Tu es Arturo Brachetti. Ton pouvoir... Ah, si tu l'as dit. Ah ouais. Ta capacité, c'est comédien. Tu peux te faire passer pour quelqu'un d'autre. Tu as un talent. Tu as un talent de jeu, d'imitation et de costumerie. Alors maintenant... je redescends juste au moment où j'étais, bien sûr. Dans une musique... Ok, c'est bon. À flipette. Théo se dit alors que ça pourrait être le bon moment d'utiliser son pouvoir. Eh bien, je me dis que c'est le bon moment d'utiliser mon pouvoir. Ce mur est bien trop haut, je sens qu'une imitation de Philippe manœuvre nous sauvera de la rescousse. Théo traverse le pont-levis et s'avance devant la petite porte de l'entrée du château. En Philippe manœuvre, du coup. Il utilise donc sa capacité. Il va donc jeter un dé. 4. C'est un 4, c'est pas mal. C'est un jet réussi. Oh oui! Très content de ça. C'est un jet réussi, donc tu as un déguisement de charpentier. Ah oui, parce que j'ai oublié ça. Ça peut être le bruit de ta transformation. Ah oui! c'est parfait, on imaginait rien d'autre. Un déguisement de charpentier apparaît sur Théo. Tu pourras te faire passer pour un charpentier. Ce qui est très peu éloigné de Philippe Manœuvre. Oui, exactement. Est-ce que ça change ta voix aussi ou pas? Ah oui, talent de jeu et d'imitation. Ah yes! La dame pâle et encapuchonnée dont nous parlait Dordal de Montcuit et à la silhouette courbée ouvre très légèrement la porte. Qui est là ? Théo ne voit pas vraiment son visage, reculé dans son voile. Clément et Dordal non plus, de toute façon, il fait trop sombre, ils sont trop loin. Et oui, car vous êtes de l'autre côté du pont-levis. Et oui. Théo se présente à elle en improvisant quelque chose. Bonsoir, Maloupiote, c'est Frédéric la Charpente. 42 ans de métier, je déconne. Je fais plus jeune, hein? 38. Mais ça fait une bonne douzaine d'années que je travaille, et puis vous avez vu cette nuit noire, je me suis dit que bon, déjà la poutre était apparente et à une distance tout à fait avec le clair de lune, là, enfin c'est super, genre dans les rayons. On pourrait peut-être en discuter plus avant dans votre salon. J'ai vu que la lumière avait pas mal de cachet. Pourquoi il m'a donné ce pouvoir? Parce qu'en fait là c'était pas. Ouais, il sait que si tu sais bien improviser quoi, ouais. Pas bon. Je trouve que c'est super. Ouais, tu penses. Ouais. Vraiment, bravo. Revenons à la fiction. Ah oui. Ouais. La dame le fait rentrer. Suivez-moi et fermez derrière vous. Théo referme la porte. Oui, mais Théo referme la porte, mais la rouvre aussitôt dans un geste reptilien. La laissant légèrement entrebâillée. La dame pâle ne le remarque pas. Dordal, toujours un peu plus loin avec Clément. T'as baillé? Entrebâillé, excuse-moi. Ah, entre. Oh là là. Magnifique. Dordal, toujours un peu plus loin avec Clément, se dit « Punaise ! Mais je dois me grimer, moi, sinon elle va me reconnaître !» Oui. Punaise, mais il dit punaise. Bah, à cette époque-là, tu penses bien. Bien sûr. Laisse-moi deux secondes, et après, on essaie de les rejoindre discrètement. Dordal revient paré d'un faux nez confectionné avec une pomme de pin et une coupe de cheveux faite de feuilles trouvées par terre. Voilà. Ça va mieux, ta couille, toi ? Ça va mieux, oui, ça va. C'est passé. Okay. Pas d'impro là-dessus. non, mais ça va très bien. Clément remarque que la porte est ouverte. Oh, la porte est ouverte. C'est sûrement Théo qui s'est arrangé pour qu'il rentre. Wink wink, il le notifie à Dordal. C'est sûrement Théo qui l'a fait exprès pour qu'on rentre. Wink wink. Wink wink. Wink, voilà. Wink. Ils entrent prudemment dans le château, mais il fait noir, complet. C'est compliqué d'y voir quoi que ce soit. J'y vois rien. Heureusement, Dordal connaît les lieux. Ils arriveront à se repérer et à progresser au fil des salles. C'est son château quand même, il connaît. Oui. Théo, quant à lui, a déjà parcouru quelques salles en compagnie de la dame pâle. La dame lui demande « Dis-moi, tu aimes la décoration ici ?» Et Théo lui répond « Alors si tu veux, je peux te tutoyer, hein. C'est comment ton prénom déjà ?»« Dame pâle. » Oh, dame pâle, effectivement, ça se voit. On va s'en tenir à la dame pâle. On va s'en tenir à ça. En tout cas, j'espère quand on aura fini de monter les escaliers, ce sera le tutoiement, si tu vois ce que je veux dire. Bon, pour parler des camaïeux, j'adore. J'aurai quelques questions sur les blasons, parce qu'il y a 2-3 animaux que je reconnais pas. Mais après, si tu peux parler aussi du grincement des escales, ça c'est le seul point noir que j'ai trouvé jusqu'ici. Après, ouais, moi c'est les goûts et les couleurs, j'imagine, c'est ma petite touche, quoi. Ouais, bon, si tu me réponds des réponses bateau comme ça, on va peut-être pas aller bien loin, mais bon, je t'aime bien. Je te charrie, je t'ai pas mis mal à l'aise. T'es sympathique, mais dis-moi, tu peux me dire comment tu peux juger ma déco alors qu'il fait nuit noire dans le château et qu'aucune torche n'est allumée ? Oh là là, malheur ! Aïe, aïe, aïe. Avec sa vision nocturne, Théo n'a pas remarqué que le château était dans la pénombre la plus totale. Oh la tue, le con ! La dame pâle jette alors son manteau au loin, prête à en découdre car elle avait détecté la supercherie. Elle a les yeux bandés par un tissu blanc, une robe sombre et un corps squelettique au bout duquel des mains extrêmement longues et tranchantes. Dis-moi qui tu es immédiatement ! Théo essaie de se justifier en inventant une identité ridicule. Non, c'est vrai que je suis pas charpentier, je suis lunettiste, et bon, si tu veux, j'avais oublié d'enlever mes lentilles, parce que, je t'assure, là, c'était très pétos, à l'intérieur, j'ai pas vu que c'était noir, bon, voilà, je te montre le dispositif, laisse-moi juste me retourner. Mensonge ! Je vois que mon pouvoir d'influence est inefficace sur toi, tu ne dois pas être humain. Théo répond maladroitement. Humain ? Ouais. Ah, c'est maladroit là. Ah, c'est maladroit, c'est bien. T'as fait un. Si t'avais dû lancer un dé, t'aurais fait un 1 là, je pense. J'aurais cassé le dé. La dame n'est pas satisfaite de cette réponse. Elle tente de s'emparer de Théo, mais agrippe son costume qui se déchire. Théo, entièrement nu, recule et tente de s'éloigner le plus possible. Pensant qu'il va mourir, il se demande s'il se grillerait pas une dernière clope avant de clapser. Donc tu vas me lancer un dé, un jet de défaut. Pour l'ultime clopon ? Non ! Oh non ! C'est quoi ? C'est un ? Oh là là ! Théo commence à rouler sa clope, mais dans la panique, il tremble et il galère. La dame lui assène un gros tachon dans la face, il tombe sur les fesses. Oh ! Il est truqué ce dé. Baf ! Ah oui. Théo se relève. C'est la dame qui a fabriqué. Il vient de taper un 6 après avoir dit qu'il était truqué. Théo se relève et parvient à esquiver quelques coups de la dame. Puis, dos au mur, avec la dame en face de lui préparant un sort de feu pour lui cramer la gueule, Théo se dit que c'est mal barré. Oh putain, pétard, c'est mal barré. Pardon. Non, pétard fait mal barré. Oui, ce que je veux dire, t'as fait tomber le costume. Oui, mais on fait sa meuf et elle pouvait me croire encore. Bon, pardonnez-moi, ça va reprendre dans le rôle. Heureusement, Clément et Dordal arrivent enfin à rejoindre la pièce où des cris et des ronronnements d'incantation se font entendre. Clément aperçoit Théo, dos au mur, et tente de le rassurer comme un papa poule rassurerait son fils tombé en vélo. T'inquiète, mon Théo, on arrive pour te sauver. Merci. T'es un grand garçon, ça va aller. Merci, papou. La ferme, vous, derrière. Je vais vous cramer la face à tous les trois, en commençant par le lézardos. Qui fait que tu appelles le lézardos? La dame des lézards, mon petit loulou. T'es le plus beau. Merci. Écoutez-le. La dame pâle agrippe Théo et lui colle sa main enflammée sur le visage. Oh là. Elle scande. Ça ne doit pas être agréable pour une créature au sang-froid. Théo, à l'autre bout de la pièce, lui fait comprendre que la bécasse est en train de brûler sa peau muée, la peau muée du lézard, et se moque d'elle. Putain, il avait mieux. Vas-y. Bécafine, fais la peau du lézardof que tu as eu, mais pas le cœur, pas le cucu, pas la vilité. Oh, regarde-moi comme venandine. Eh ben, avec une moquerie pareille, la dame enrage de s'être faite berner. Clémente tente de raisonner la dame. Ma petite dame, là, on peut peut-être s'arranger, on peut peut-être trouver un moyen de... On dirait un litige avec la haie du jardin, tu sais. Voilà, de s'arranger, en fait, tout simplement. Bah voilà. Trouver un moyen. Parce qu'on rappelle que Terreur, t'es aussi quand même sympathique. Bah oui. C'est une de tes caractéristiques. 50% sympa. Eh oui, mais la dame se retourne vers Clément et lui déclare alors... Morveux, tu penses que tu peux me la faire à l'envers et m'amadouer avec des mots ? Je suis un être suprême et tu n'es qu'une larve. Retourne chialer dans la jupe de ta mère. Waouh. Clément va prendre un dé, puisqu'il va faire un jet de défaut. Il ne sait pas quoi répondre et ça commence à te saouler. Oh, c'est un 4. Clément prend une grande inspiration, rassemble tout son courage et se concentre. Ses yeux se mettent fortement à briller. Théo fait remarquer à Clément la lumière dans ses yeux. Clément, regarde-moi un peu. Tourne la tête. Oui. J'avais jamais vu que tu avais les yeux turquoise. Tu as des reflets mirobolants. On parle d'une lueur magique. J'avais jamais vu que tu avais une lueur magique. Tu es beau. Tu l'as très bien répondu. La dame... en entendant ce que dit Théo, la dame pâle lève un sourcil derrière le tissu qui bande ses yeux. Ça l'a fait tiquer, ce que t'as dit. Clément est maintenant enveloppé d'une aura lumineuse. Il utilise son pouvoir... Il utilise son pouvoir et ne peut pas manquer son coup. Je peux pas le relancer. Il a bien de la chance parce qu'il vient de faire un. Oui, mais t'as entendu ? Il ne peut pas manquer son coup. Ah, donc. Tu es en Super Saiyan, tu es enveloppé d'une aura lumineuse. Tu vas utiliser ton pouvoir dans les meilleures conditions. Contrairement au début où t'étais dans les pires conditions avec ta couille. Bon. J'ai réussi. Il peut donc remanier les dires de la dame à son bon vouloir. Ah. Le temps remonte de quelques secondes. Et la phrase de la dame pâle devient alors... Tu peux me la faire à l'envers et m'amadouer avec des mots. Je suis un être superbe. Je suis la jupe de ta mère. Attends, c'est réussi. La nuit noire laisse place à la douce lumière de l'aube. Dans un grand jet de fumée, on entend le cri de la dame pâle s'éteindre. Elle est maintenant... Pas mal. Excellent. Elle est maintenant au sol et fait signe à Clément de s'approcher. Il fallait qu'elle lui dise... Cette aura, je ne peux pas la voir, mais je l'ai sentie. L'académie s'est bien occupée de toi, à ce que je vois. Et ce don, n'en abuse pas. Si ma soif de pouvoir ne m'avait pas coûté la vue, je pourrais voir quel grand garçon tu es maintenant, mon fils. Clément se met alors à pleurer à chaudes larmes, alors que sa mère se transforme en jupe sous ses yeux. En jupe. Maladie. Maman. Non. Théo est à côté d'eux, debout, toujours à poil. Dordal, les guiboles tremblantes face à la scène, rejoint nos héros timidement et les remercie. Merci. Vous êtes vraiment des braves types. Je crois qu'il est temps de vous récompenser. Et puis tiens, en bonus, vous avez gagné une jupe. Clément, Théo et Dordal rient ensemble dans la bonne humeur. Et si on allait boire un verre ? Oui. Ah. C'est le moment. Avec plaisir. On dirait bien que c'est la fin de cette aventure. Mais j'en ai bien l'impression. C'est la fin de la grande aventure PowerCast. Merci d'avoir joué. C'est le générique de fin. Oui. C'est beau. Voilà, c'est fini. Putain, ça vous a plu ? Ah oui, génial. Bon bah tant mieux, ça s'est passé sans trop d'accro. Plus de cheveux. C'était très bon. La langue. C'était génial. Non. Pff, oui, tu peux très bien écrit, très bien écrit. Mais j'ai hâte qu'on fasse la suite du coup. Oui. Ah bah on en fera peut-être d'autres. Pour cette saison là, obligé. Bon, voilà. C'est une très bonne idée. On pourra ajouter des personnages. Grande lampée de bière, parce que c'est bon, la pression est passée. Je peux éteindre. Eh, la pression est en train de passer. T'es en train de la boire, la pression. Eh oui. Eh ouais. Eh ouais, mon gars. Non, c'était cool, c'était bien écrit, franchement, des très bonnes blagues. Oui, bon, il y a mais des private jokes que les gens n'ont pas forcément. Mais c'est pas grave. Ça permettait de faire des noms, d'ordre de mots. Carrément. Peut-être pour les prochains, tu pourras trouver des refs au PowerCast même. Ah oui. Mais moi, je pensais que ce serait des refs internes, propres au PowerCast. Ah, bah je trouverais ça la prochaine fois. Écoute, on fera que s'améliorer. Mais en même temps, Dordal de Moncuy devait s'ouvrir. On ne pouvait pas garder ce lourd secret à 3, 4. On n'expliquera pas pourquoi ce nom. Ouais, peut-être dans un prochain épisode. Mais la sonorité est marrante. J'espère que Dordal de Moncuy reviendra dans les aventures. J'aimerais bien. Ça peut être un personnage secondaire, ouais. Mon cui. Ouais. Mais ouais, trop cool. Très, merci très cool pour ce moment. Ouais, trop bien. Je suis pas très bon en impro, mais en vrai, ah bah en c'est vrai, bien que tu m'aies pas fait, trop mis. C'est oh, t'as quand même pas mal de trucs à dire. Oui. Le truc, c'était que rien que le fait que ce soit interactif, de toute façon, c'était bien. Donc même, oui, même les fois où vous avez juste répété les indications, c'était bien quand même, je trouvais. Oui, oui, carrément. Non mais grave, à refaire, franchement trop cool. Et puis en rajoutant peut-être d'autres petits invités secondaires, ça peut être cool aussi. Ouais, complètement. Tout à fait, tout ça bonnement. Ça peut se faire, on a encore une entrée micro de libre, on peut rajouter un troisième personnage. Trop bien. Bah merci Jules pour merci cette infiniment préparation. Est-ce qu'on passe au Rocco? Eh ben on va passer au Rocco, tout à fait, pour cette fin d'épisode. Qui veut commencer? Allez, j'y vais, si vous voulez. J'ai vu un film récemment que j'avais complètement oublié, c'est iRobot. Oh, avec Will Smith. Avec Will Smith, de Alex Proyas. Ouais. Rouya, je sais pas comment on dit. Les Rouya, je crois. Les Rouya, salam les Rouya. Et en fait, ça m'a fait plaisir. C'est un film, je crois que c'est genre 2004 ou 2006, et il a trop cette vibe 2006, où t'es en science-fiction avec Will Smith. Tu sais, cette vibe, un peu Je suis une légende, où t'avais des films... alors, c'est pas des ultra chefs-d'œuvre, mais ils sont quand même super efficaces, où t'en gardes plein de souvenirs, t'as plein de... j'allais dire high concept, non, c'est pas ça, mais t'as quand même, tu vois, enfin c'est super bien bossé, t'as du design à foison, genre la voiture qu'il a, Will Smith, je sais pas si vous voyez l'Audi qu'il a, t'as plein de, si, je crois que je m'en rappelle, t'as plein d'idées super intéressantes, où en fait les roues en dessous, c'est des roues de comme un peu comme nos chaises, tu vois, enfin tu sais, c'est des roues c'est pas des cylindres, c'est des sphères, les roues sur les voitures, et du coup ça fait qu'ils peuvent dévier à des moments et tout. Et les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, mais franchement, pour 2004, c'est pas si dégueu que ça. J'ai un bon souvenir de ce film. Ouais, c'est pas si dégueu. C'est vrai que maintenant que t'en reparles, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bonnes idées. C'est un bon film du soir. Un peu mal vieilli. C'est un très bon film du dimanche soir, je dirais. Ouais, ouais, mais franchement, ouais. Carrément. Je crois que c'est le genre de film, si vous aviez Canal, moi j'avais pas Canal, mais c'est bien le genre de film qui avait de la valeur, tu vois, où tu disais, putain, les gens qui ont Canal, ils passent iRobot ce dimanche, j'aurais trop aimé le voir, tu vois. Moi, c'est même le genre de film, je pense, à l'époque, mon père, il allait, tu sais, louer des DVD. Et je pense que c'est le genre de DVD qui exactement. Louait, oui, c'est genre, il ramène ça pour le week-end. Mais à l'époque, il a fait une percée, c'était un succès monumental. Il y avait un truc, justement, hyper... Ouais, c'est iRobot. Ah, pour l'époque, t'as plein de petits trucs comme ça. Alors, c'est bourré de placements de produits. Ah oui. T'as genre JVC, t'as Will Smith qui... Bah, ça va, c'est un peu bien introduit, mais... T'as Will Smith qui se commande des Converse vintage de 2004, du coup, t'sais, en mode ok, les Converse, Parce qu'elles sont sorties il y a pas longtemps. T'as quelques trucs comme ça, le robot s'appelle Sony, excusez-moi. Ah ouais. Ça m'avait tiqué direct. J'ai jamais capté. J'ai écouté du coup l'épisode de 2 heures de perdu où ils en parlent après, ils se font les mêmes réflexions. Et non, voilà, en vrai, je recommande, même si le troisième acte dégringole parce que ça devient un peu la méga course. Et la fin, et c'est un peu en mode le robot principal devient un peu le Moïse des autres robots. Oui, bon, d'accord. Mais sinon, c'est un bon film de science-fiction, t'es content. Il y a du futur, il y a des robots, il y a des designs stylés et tout. Et franchement, c'est cool. Est-ce que c'est un peu un film popcorn? Franchement, grave. Voilà. Franchement, ouais, tout bonnement. T'en as un, toi, c'est un label. Un film popcorn, je dois en avoir plein. Et plein, et je peux pas en citer un là. Ouais, je sais pas. Je sais aussi, mais. Je comprends la définition de popcorn. Bah, fermez-la. Mais genre Jurassic Park, tu vois. Oui. Ce genre de truc. Enfin, les blockbusters, en fait, de manière générale, je pense. Genre, je pense le premier Transformers, tu vois, c'est un peu ce genre de vibe aussi. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai jamais vu les Transformers. J'en ai vu un, ça m'a saoulé. Mais c'est genre ça, c'est genre. Tu te prends pas la tête, quoi. Oh bah, c'est sûr que tu te prends pas la tête avec Transformers. Ouais, non, clairement pas, ouais. Voilà, alors à vous, du coup. King Kong. Mais c'est plus qu'un film popcorn. De Peter Jackson, c'est il est génial. Il est popcorn hybride, je trouve. C'est popcorn hybride, parce que déjà il dure 2h30 et que c'est. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas un blockbuster typique. Mais je sais pas, ça m'est venu direct. Et puis il mélange plein de choses, il y a un peu d'horreur au début, Mais vraiment, je le revois quasiment. Là, je suis à un rythme où je l'ai vu peut-être 3 fois en 3 ans, enfin vraiment une fois par an. Je m'en lasse pas. Content de l'avoir revu. Je l'ai revu l'année dernière, c'était la première fois depuis la sortie, quoi. Ah ouais. 2004. Bah, c'est super. Ouais, 20 ans plus tard. Oui, 2005. Ok. C'était une énorme sortie. Enfin, vu adulte l'arrivée dans le village qui en 2005 était terrorisante pour nous. Qu'il est toujours. Mais je trouve que tout est très très bien foutu. Il y a rien de. Complètement. Et je fais une. Il y a rien de kitsch et tout ça, quoi. Un petit salut à mon pote Quinquenard qui lui était traumatisé par les espèces de vers de terre là qui bouffent les gens. Oui, par la fin. La musique aussi, la nappe. T'es pas tout seul, Pierre. Ah ouais. Oui, clairement. C'était horrible ça. Andy Serkis qui meurt dans atroce condition, justement. Il se fait bouffer la tête. Il se fait gober par un verre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est horrible. Voilà. Ok, très bien. Ok. Et toi, Théo, alors, t'as les chips qui sont sur la table. Non, je déconne. J'ai réussi à trouver une petite roco juste avant. Ça s'appelle Sound Waves of Wax, si je ne m'abuse. C'est le compte que tient une Américaine sur Instagram. En fait, elle a perdu son père il y a un an ou deux, je crois. Et donc, elle a eu accès à sa discographie qui est immense. Excellent. Et du coup, elle passe, je crois qu'elle fait une vidéo par jour, tous les deux jours, de toute sa collection de vinyles qui est monstrueuse. Génial. Et ça va de des années 50 aux années 2000, peut-être 2010. Donc pour découvrir des morceaux, c'est super. Puis comme elle met ça en scène, ça dure une minute ou deux, c'est très agréable. Okay. Elle est magnifique. Salut. Attends, ça dit c'est quoi, c'est YouTube ou c'est Instagram? C'est sur Insta. Ça s'appelle Sound Wave of Wax, je crois. Elle a quand même 500 000 abonnés. J'ai rechecké. Alors j'étais étonné de voir que j'avais pas plus de followers communs qui la suivaient. J'ai jamais entendu parler. C'est fou. Ça a l'air trop bien. J'ai jamais passé dans mon film. Je vous la conseille. Ouais. Ok. Très bonne reco. Excellent. Incroyable. Plaisir. Voilà. Bah, j'ai pas dit ma reco. Ah mais attends. Ah oui, King Kong. Pardon. C'était King Kong. C'était en plus. Pardon. Et Boku. J'ai compté 3. Oui. Moi, mis à part le Boku, bien sûr. Ouais, moi j'avais. Tu seras gentil de pas commencer à rouler ta clope. Pardon, j'avais fait ça, moi. C'est son plus gros défaut. J'avais envie de caresser un fil, puis ça s'entend pas du tout que je suis fumeur. Avec elle. Moi, c'est une. Alors, oui, c'est un peu moins profond quand même que ton compte Insta, mais qui est excellent. C'est fou, c'est pas profond. Des fois, c'est les Looney Tunes. Hein, Bref. C'est une vidéo YouTube. Ouh là, il y a un petit buzzement là. C'est les retours, je pense. Une vidéo YouTube sur Minecraft. Je te vois qui est prêt à appuyer. J'ai le doigt sur le bouton. Ça me fait peur, je sais pas quand j'appuierai au moment opportun. Okay. Oh, je l'enlève comme ça. Alors, tu verras pas. Oui, donc c'est une vidéo YouTube qui parle de Minecraft. Enfin, je vais tout expliquer. La vidéo s'appelle 1000 Players Simulate Civilization 2. Rich and Poor. Oui, c'est vrai que je t'en ai déjà parlé. Du youtubeur qui s'appelle Ish, ISH, qui est un youtubeur spécialisé Minecraft. Et en fait, le concept, c'est qu'il a mis sur un serveur 1000 joueurs. Je traduis le titre. Et il les a divisés en deux îles. Une île où c'était les riches. Donc, ils avaient une île où il y avait toutes les bonnes ressources et tout du jeu. Et une île où c'était les pauvres, donc ils avaient pas du tout de ressources pour survivre, etc. Il les a laissés en sorte de RP, donc c'est roleplay un peu comme là on a fait, où les gens du coup jouent un peu des. Enfin, c'est. Toi qui l'as vu, Jules, ouais, on est d'accord, ils jouent un peu un rôle où ils vont être à fond dans le jeu en mode. Civilisation là. Oui, là oui, pour oui, le coup, oui. C'est clairement une civilisation où après t'as des rois, t'as des mecs qui. Voilà. Faut pas forcément être fan du jeu parce qu'en soi, comme c'est très RP, enfin, c'est pas. Faut... Ça, ouais, ça, tu t'en fous. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le comportement des ouais, gens. Ouais, c'est ça qui est fou. Qui savent dans quel contexte ils sont. Ils savent qu'il y a une deuxième île dès le début. Oui, c'est ça. En fait, au début, en fait, ils sont tirés au sort, je crois. Ils savent pas s'ils vont sur l'île des riches ou l'île des pauvres. Et ils découvrent un peu petit à petit s'ils sont sur l'île des riches ou l'île des pauvres. Ouais, et après, d'arbres, je pense qu'ils le voient. Ouais. Et au début, les deux îles sont séparées. Et en fait, au bout d'un moment, je crois qu'il leur dit pas au bout de combien de temps, mais il va ouvrir les frontières et du coup à voir s'ils vont se combattre, si voilà comment ça va se passer. Et c'est super bien mis en scène. Déjà le gars, enfin il a mis je crois 2 ou 3 ans je crois à monter le truc parce que il a dû capter des images de 1000 joueurs quoi, donc c'est énorme. Et super bien narré aussi, sachant que une des enfin dans le jeu, dans Minecraft, quand on meurt on revient. Là, si le joueur mourait, il ne revenait pas dans le serveur, donc c'était fichu. Donc après, tu peux mourir de faim, d'accident et ce qui arrive un peu au début. Ouais, voilà. Dans la lave. Donc en fait, ça met un peu de pression pour les joueurs. Et en vrai, ce qui se passe, donc je vais rien dire parce que je vais vous laisser découvrir, faut vraiment le vivre comme ça. C'est trop bien, la narration est super prenante. Ça a l'air hyper intéressant. C'est en anglais entièrement, tout est sous-titré. Et déjà, rien que ça, je pense que ça lui a pris énormément de temps. Et c'est super compréhensible. Franchement, ultra fort en anglais, ça va, mais j'aurais préféré des sous-titres français. Même là, avec des sous-titres anglais et tout, on comprend tout ce qu'il dit. C'est super clair. Ça fera progresser en plus. Eh bien oui, en vrai. C'est énorme. On s'attache à des joueurs, des personnages du jeu qui se détachent un peu du lot. C'est vraiment trop, trop fou. Et j'ai vu qu'il en avait fait d'autres avant. Et avec d'autres RP où il les avait mis dans des prisons, il avait tenté des trucs comme ça dans Minecraft. pas dans la vraie vie. Ils s'attaquent pas à des petits sujets ou des petits contextes, quoi. Ouais, ouais, ils testent en fait des comportements humains, ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai que ça en ressort un peu des comportements humains, alors que ça, c'est dans un jeu et que c'est du RP, mais bah, je sais pas. En vrai, il y a un peu des trucs comme ça où tu te dis, bah, Triche. Le deuxième jour, Trump était dessiné sur la plage sur 2 kilomètres de Puerto Rico, Copacabana. Bah, après, c'est plus du général parce que du coup, t'en as qui s'imposent un peu en tyran, il y en a qui s'imposent voilà, en mode plus à la cool et tout. Ah pardon. En tirant tout ça, ah oui, pas mal. Voilà, le tirant est peut-être le caissier de la vie claire le plus proche de chez vous. Alors. Bah oui. Voilà. Gare. En parlant de ça, du coup, c'est vrai que le nombre, du coup, c'est 1000 personnes. 1000 personnes, ouais, sur le nombre de personnes à réunir. Enfin, au vu des agendas de chacun, faut que tout le monde ait une bonne. Ouais. Je sais pas comment ça s'est organisé, c'est fou. Ensuite, faut que t'engages les caméramans in-game, j'ai l'impression, vu tous les angles de vue qu'il a. Je sais pas. Alors, il a fait, je pense qu'en fait, il a des points de cap posés. Option... Non, mais je pense qu'il y a une option dans Minecraft, je ne sais pas comment ça marche, un logiciel, le mec qui découvre. Qui te filme à la troisième personne. Qui en fait filme tout le temps, et en fait, après, il peut revoir tout et se placer où il veut. J'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait. What the fuck, bah, et il mixe ça à la fois avec des plans, parce qu'il y avait quelques streamers Minecraft qui jouaient. Et lui, il se baladait en mode dieu dans le truc. Et je pense qu'il y a une option où tu peux revoir un peu tout ce qui s'est passé. Ce qui est énorme. Enfin, t'imagines la taille des fichiers. Je ne sais pas comment il a fait. Ouais. C'est pour ça que je pense que ça lui a pris autant de temps à monter. Parce que c'est énorme. Ouais, la session, elle doit être lourde. Ouais. Le Media Pool, il doit être lourd. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas. Je pense que je pourrais tenter de la lancer sur mon PC. Oui. Alors, je tiens à le placer. Tu reprendras. Petite parenthèse. Vous connaissez tous Twilight Princess. Ouais, le jeu. Oui, voilà. Sorti, donc oui, GameCube, ça va faire 20 ans. Je l'ai émulé sur mon PC. Et pour vous dire, tout le monde se rappelle de la plaine d'Hyrule, même en le passant en natif, ça rame. Vitesse 0,25 à 0,5. Bon, vous voyez une vidéo, c'est une horreur. Ah ouais, il joue en stop motion. Non. Voilà. Ton PC, donc pour ça a changé. T'as vu la gueule de son PC? Tout ceux j'ai jamais vu la gueule qui peuvent de jouir des jeux vidéo sur le PC, bah, profitez pour moi, je vous ai. Bah, tu peux regarder cette vidéo par contre, parce que celle-là elle tourne. Oui, c'est sur YouTube. Voilà. Pour revenir à ton YouTuber, c'est quoi ton nom? C'est Ish. Ish. I-S-H. Voilà. Je connais pas plus que ça. J'ai connu que cette vidéo et qui a énormément de succès parce qu'elle est à, je crois, 20 millions de vues. Ce qui est méritant parce qu'un taf, aussi gros. 20 millions? 20 millions de vues. Ah oui, oui, bah, ça vaut voilà, le détour. Universel. Très bien. Pour en revenir à ta vidéo, donc moi je n'ai pas tout vu. J'avais pas l'information, enfin je me suis pas dit que les joueurs savaient dans quel contexte ils allaient être. Il le dit au début. Hein. Ah ouais, écoute, j'étais en train de faire chauffer mes pattes peut-être. Peut-être. Et il y a des moments où il y a des retournements de situation, des trucs tellement c'est du scénario, tu vois, on dirait, que je me suis dit ouais non mais d'accord mais c'est scripté quoi. Du coup j'étais déçu par le truc et c'est vrai que peut-être si tu te dis ils savent qu'ils vont devoir enfin ce qu'est le concept du coup une île et une autre voir les comportements et que du coup potentiellement il y aura guerre. Peut y avoir manipulation et pour rendre leur partie intéressante à eux aussi, ils peuvent se mettre dans des bails comme ça où ils vont peut-être trahir des gens, faire des alliances avec d'autres, etc. Oui, en fait, donc, ils savent, ils les briefent au début en leur disant en gros, bah, ils leur expliquent le concept qu'il y aura deux îles et il leur dit pas par contre dans l'île où ils vont aller, mais il leur dit à un moment ça va s'ouvrir entre les deux. Donc ils savent qu'ils sont îles voisines et je crois qu'il y a un des clans d'une des îles qui sait qu'ils arrivent à deviner à un moment, ils l'expliquent. L'endroit le plus proche de la terre de l'île de la frontière en fait enfin genre c'est les 1000 joueurs je pense que c'est genre 1000 joueurs qui connaissent Minecraft par cœur et du coup ils connaissent tous les tips les trucs comme ça. Ah bah il a pas pris des branlos oui, voilà. Non mais c'est fou franchement je peux que vous conseiller cette vidéo c'est même si vous connaissez pas trop Minecraft c'est super prenant. Bah moi je connais de réputation mais j'ai jamais foutu les pieds ça pourrait être une très bonne un très bon pédé sur deux tu pourrais adorer en vrai. Ah mais complètement la narration ça fait 10 ans que vous me dites ça donc non moi je parle du jeu Minecraft. Ah oui, pardon. La vidéo, c'est certain, mais le jeu, oui, juste le jeu, c'est une idée. Mais ton PC le fait pas tourner. On le rappelle. Et Game Boy Advance. Quoi? On se quitte là-dessus. C'est un recours. Game Boy Advance. Si ça peut faire tourner. Tu voulais demander quoi sur Game Boy Advance? Est-ce que Rome Station émule de Game Boy Advance? Alors pas du tout. C'était déjà Minecraft sur Game Boy Advance. Ah oui. Ah bah putain. Alors j'ai une autre vidéo à recommander. Quelqu'un a codé Balatro sur Game Boy Advance. Ça fait 42 minutes. Il l'a très bien fait. Voilà, c'est tout. Balatro, okay. Balatro. Placement de produit, Jules. Balatro. Balatro, jeu de l'année 2024 à mes yeux. Voilà, on peut le dire. Ouais. Moi, l'année 2023. Et bah tu finis par des et aussi. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu Il est malade, celui-là. Tu gueules. Tu vas nous niquer tous les niveaux, là. Tu veux qu'on s'embrouille? Bon, allez, on termine pas sur une embrouille, là, quand même, les gars. Eh, hey, oh, hey. Calmez-vous. J'ai fait un 3, t'as de la chance. Sinon, je t'aurais cassé la gueule. J'ai un 6, je te cassais la gueule. Vais te casser la gueule parce que fait monter que tu as fait. Il est dans le personnage à nouveau. Sans vergogne. Bon, on va se quitter sur ce personnage. On se quitte sur le jingle. Salut tout le monde. Allez, bah, à bientôt. Je m'en frotte les écailles. Merci de nous avoir écoutés, en tout cas, et peut-être à une prochaine fois pour un nouveau podcast. Avec grand plaisir, dans un an et demi. Nous l'entendons du monde. Peut-être dans un an et demi. Salut. À bientôt, salut. Bonne soirée.